bonjour à tous, il est midi, très heureux de vous retrouver. On va écouter tout de suite Nako and Medicine for the People. Les artistes seront d'ailleurs en première partie de Groundation à l'autre canal. Et puis on va écouter aussi Kali avec La Vie quoi. Vous êtes bien branchés sur Fadjet et merci de l'être. On va écouter Selena Gomez avec The Earth Wants What It Wants. Et puis il y aura Soul avec la chanson L'économie des mots. Merci d'être à nos côtés. Depuis 30 ans, Fadjet vous propose le meilleur de la musique. Tout de suite, c'est George Ezra avec Blame It On Me. Il y aura également Jason Derulo, Grand Corps Malade et puis l'artiste local Thierry Cordier. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Pour tous les curieux qui se posent la question, effectivement, il y a une éclipse demain. Il faudra être debout à 9h35 et pas à 15h du matin comme Grand Corps Malade. Le soleil frappe à ma fenêtre, je lui souris. Il est midi et demi sur Radio Fadjet. On vous propose d'écouter Pharrell Williams. Il y aura également Shake Shake Go ainsi que Étienne Daho et Olivier Chitam. Ça, c'est pour la programmation musicale. Au niveau des émissions, on vous propose de retrouver à 18h30 Concerto en Fadjet, 19h30 Le Menu Étudiant, 20h Puissance Dance et on enquille sur une playlist électro. Merci d'être à nos côtés et très très bonne journée à vous. Fadjet. Plus qu'une radio. Comme c'est bon, ce qui arrive sur Fadjet tout de suite, c'est C2C avec Happy. Juste après, ce sera Wycliffe avec Avicii. On approche dès 13h. Merci d'être à nos côtés. Fadjet, c'est plus qu'une radio et c'est également énormément de cadeaux. Surtout au niveau sportif, cette semaine, on vous offre vos places pour la SNL contre Auxerre le lundi 23 mars. Pour l'ASPTT Handball le 27 mars qui reçoit le Chartres Métropole. Et puis le VNVB joue en Playoff Elite Féminine le samedi 28 mars contre Évreux. Si vous voulez gagner vos places, www.fadjet.net. C'est plus qu'une radio. Tout de suite, Radio Fadjet vous offre un grand exemple de diversité musicale et d'éclectisme puisque tout de suite c'est Marvin Dupré avec La Foudre et on enchaînera sur Nirvana, Smell Like Teen Spirit et Take That These Days. Une histoire qui définit les sentiments.